des gamins, un matin à l'école, mon maître se croit malin et décide tour à tour de nous poser cette colle. Les yeux larmoyants et le postillon, plein de microbes. Quand il sera grand, sais-tu ce que tu feras comme job? Je me suis dit merde, j'en sais rien moi. Mais est-ce que je vais pas rougir en disant ça? Heureusement je suis côté radiateur au fond de la classe. Donc bon dernier, je vais peut-être même pouvoir garder la face. Le premier évidemment voulait être médecin, sauveur au grand cœur, quel déshumain. Moi chérie, aider les opprimés de la planète. Le prof l'a cru et a même dit c'est beau, c'est chouette. J'avoue que celui-là il a toujours le doigt levé. Enfin quand il l'a pas dans le nez. Il connaît déjà cette partie du corps par cœur, avec le goût de ce qu'il y a à l'intérieur. Une deuxième se lève et dit moi aussi je veux être docteur. Pas comme lui hein, je suis honnête professeur. Je veux faire ça pour gagner un max d'argent. J'en ai vraiment rien à foutre des gens. Le prof reste sans voix devant cette conne égoïste. Suivant dit-il, et moi j'aurais plutôt dit un truc du genre, ce que c'est triste. Puis on est arrivé au pays des doux nounours, entre celui qui aimerait être pompier et l'autre qui imagine qu'il va tenir la bourse. Comme ce papa qui est venu nous en parler, se montrant super génial. Je n'avais beau être qu'un môme, je trouvais ça déjà bien con comme idéal. Évidemment on a eu droit à ceux qui se voient policiers, là j'ai rien pensé, j'ai juste gerbé. Du maton jusqu'à l'huissier, tu sais ceux qui aiment bien tout cafeter. Top modèle aussi, qui j'avoue, elle a le niveau, elle est super belle, mais elle a pas de cerveau. Et bien entendu, l'astronaute, oublie juste un détail, c'est qu'il est myope, comme une taupe. Je me suis endormi à celui qui voulait être acteur. C'est trop d'ennuis, tous ces chanteurs, ces rêveurs. Pourquoi devrait-on penser à toutes ces conneries? Moi qui n'ai qu'une seule chose en tête, à quoi je vais jouer à la sortie? Le prof me réveille pour me demander, et toi, qu'est-ce que t'aimerais faire? Dormez pas, monsieur, je réfléchissais, il y a une réponse par terre. Révolutionnaire, c'est pas un boulot, mais ça pourrait bien me plaire. Si tu dis carrière, je pense à l'usine et son salaire misère. Je compte sur mes 10 ans, mais je croyais être à l'école primaire. J'ai pas toutes mes dents, et penser à celles qui viennent, j'ai pas que ça à faire. La vérité, j'ai beau chercher, c'est que je préférais ne pas grandir. Ne rendre de compte à personne et surtout pas me soucier de l'avenir. J'ai pas bien lire, mais j'admets volontiers que j'ai un penchant pour écrire. D'ailleurs, en parlant de ça, lire. Qu'est-ce que le mot désobéir veut dire? Dis monsieur, est-ce que maintenant je peux foutre le camp? Car moi là où je vis, c'est dans le présent. Je vois Lucien à la fenêtre qui goûte un verre, c'est délirant. Sûrement encore un de ces jeux débiles, comme dit maman. Mais après tout, moi, ne suis-je pas qu'un enfant?